truth. I'd like to know if the feel of the promised land is coming up. And I said, I'd like to know that a day will come. All you bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. Et le vendredi soir, donc, on a l'habitude de recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors ce soir, comme on est pendant l'été, vous avez entendu, tous les festivals sont annulés hein, dans la région orléanaise. En tout cas, la fête des Saints Populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel, là, c'est officiel. Hein, donc elle n'aura pas lieu par arrêté préfectoral. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est de rester branché sur 96.2 MHz dans la région orléanaise. Vous pouvez aussi nous retrouver sur radio-arc-en-ciel.fr dans le monde entier. Et puis comme ça, on va passer un petit bon moment à écouter de la bonne musique, parce que de toute façon, il n'y a que ça de bon dans la vie. On a commencé une émission très rock'n'roll, c'est l'émission numéro 557. Et on a commencé cette émission avec un groupe qui s'appelle Last Riders, qui c'est un tout nouveau groupe, hein, avec très rock'n'roll, et qui viendra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va essayer de recaler les groupes pour qu'ils reviennent à nouveau, sachant que c'est pendant l'été, on va faire ça tranquillement, hein. L'important c'est de passer de la bonne musique. Alors quand il n'y a pas de groupe dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il y a aussi des enregistrements qu'ils nous ont laissés, et ça va être le cas ce soir. On va écouter pas mal d'enregistrements, donc les Last Riders avec As Long As It Pay. Juste après, c'était le groupe Warm Up avec Soleil Noir, le groupe Prisma avec Tell Me Why. On a écouté ensuite les Uncle Bikers avec She Never Stop. Et à l'instant, c'était le groupe Custom, un groupe qui a participé au Mavrika Live le 10 juin. C'était la Chapelle Saint-Émain, donc le Mavrika Live numéro 12. Donc le groupe Custom avec un morceau qui s'appelle Only Revolution. C'est peut-être un peu ce qui se passe en France, je sais pas. Enfin, on est ensemble pour écouter de la bonne musique. Juste après, je vous propose d'écouter un enregistrement. C'est le premier enregistrement studio d'un groupe de jeunes femme qui s'appelle The Brunettes, et cet enregistrement a été fait spécialement pour l'émission Mavrika. Ça s'appelle Lover Song, c'est ce que je vous propose d'écouter juste après. Alors on est ensemble jusqu'à 22h, on va passer des bons moments, vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir avec des artistes de la région et d'un petit peu plus loin, hein, des artistes qui font partie de la Mavrika Family, ça c'est important. Et on continuera toujours dans l'émission Mavrika à diffuser de très bons morceaux d'artistes que vous n'écoutez sûrement pas dans les autres radios pour l'instant. Another call, another day. Good to me, dear. this world, inside out, is not for you and me. Sugarcane avec Go Away From Here. Et juste avant, c'était le groupe Yeti, encore un groupe qui a participé au Maverick Live numéro 12 du 10 juin. Et le morceau qu'on écoutait, c'est Live Is Trust. Encore avant, c'était une nouveauté, la première fois qu'on diffuse dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était le Planet of Pixies avec un morceau des Pixies, justement, qui s'appelle Where Is My Mind. Et la voix, je sais pas si vous avez reconnu, c'est un monsieur qu'on a reçu il y a quelques temps. C'est monsieur Bruno Bauer qui chante cette chanson dans ce projet. Et donc, je les ai invités pour qu'ils viennent un jour dans les studios pour nous présenter justement toute l'histoire et tout l'univers de Planet of Pixies. Encore avant, c'était les Chili Dogs avec Night Mine. Et encore avant, c'était les Full System avec Oasis. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Noreca. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 557. Et on écoute plein de bonne musique. D'ailleurs, juste après, on va écouter un petit morceau qui a été enregistré dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de leur passage, parce qu'ils sont venus dans l'émission numéro 529. Il s'agit de Jesus Whiskey avec Run Through the Jungle. le corps qui dans les nuits s'allume. C'est l'odeur du jour sur l'aurore. À la force des flammes, ils salueront la lune. Dans le ciel qui we'll be right back. Glaszone, voilà un artiste que nous avons découvert cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est une reprise d'un morceau que vous connaissez forcément. C'est un morceau de Bronski Beat qui s'appelle Small Town Boys. Juste avant, c'était Drive to Amnesia. Encore une découverte dans l'émission Mavrika cette année avec un morceau qui s'appelle Too Late to Cry. Et encore avant, Narcose avec Schizo Funk Killer. Et encore avant, Ombrage avec The Old Rain. On continue avec un groupe qui s'appelle Bad Sheep qui devrait pas tarder à venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale. Et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle Never Look Back. Radio Arc-en-Ciel, Radio Arc-en-Ciel qui organise la fête du dessin populaire, vous le savez, c'est annulé. Voilà. Depuis le temps qu'on vous en parle, la publicité est faite, tout était fait, toute l'équipe était vraiment sur le pied de guerre pour vous offrir deux jours de bonne musique et en recevant de bons artistes qui viennent du Portugal, d'autres de la région orléanaise. Hein. Tout a été annulé pour les raisons que vous le savez. Vous savez qu'actuellement, vous voyez dans les informations qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, ils ont interdit de faire des événements et plusieurs événements de la région d'ailleurs sont annulés. Donc, la fête des Saints Populaires, c'est officiel. Il n'y aura pas lieu pour l'instant, mais l'équipe de Radio Arc-en-Ciel travaille déjà pour essayer de vous trouver une autre date pour pouvoir reporter cet événement. Ce serait vraiment dommage de l'annuler complètement. Voilà. Maintenant, vous êtes informés. Je sais que beaucoup de gens se posent la question et puis on a beaucoup de mal à le croire, surtout que ça arrive le jour même de la préparation. Donc, on l'a appris ce matin à partir de 11h. Et demain et après-demain, il n'y aura pas cette grande fête. Le premier et le deuxième jour de juillet. La fête des Saints Populaires est annulée tout simplement. Voilà, on continue l'émission. On va écouter encore de la bonne musique. Hein. On est ensemble jusqu'à 22h dans l'émission Mavrika. Il n'y a pas de souci. On continue avec Strong Come Hans avec Water World.

c'est juste une anxiété qui assaille mon esprit. Comme une absurdité qui me gâche la vie. S'imposant à ma conscience. Névrose obsédante. Comme un air qui agace, il s'invite en phobie. Morale dans les godasses, je le trouve joli. Angoissante pensée, je ne peux plus la chasser. Obsession. Pas de solution, je resterai troublé par la situation. Pourtant, je dois agir. Cette terre doit sortir. Yeah! Obsession. Les ombres blanches, ça illumine les jours. Alex Lebaille avec le titre éphémère. Juste avant, c'était Atala Némé avec À tombeau ouvert. Et encore avant, c'était les Garens avec Obsession. Waterfall avec Génération Tchernobyl. Neutral avec Height Again. Twister Cover avec Rescue. Voilà, on va continuer avec de la très bonne musique. Je vous propose d'écouter une personne qui est venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps. C'était une découverte. Franchement, on a passé un très bon moment avec lui. Il s'appelle Max De Giovanni. Il était venu de la région de Bayonne, hein, spécialement pour l'émission Mavrika. Et il nous avait interprété une superbe chanson en direct. Là, je vous diffuse la même chanson. C'est Une dernière fois. Un titre tiré de son album. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h. Bien pensant.

ma planète. Je vois les arbres brûler, les koalas crever, mais j'aime ma planète. marcher jusqu'au petit plan d'eau, observer les animaux. Sans que les grues ne y seront, je resterai petit garçon. bone. She said, yeah, I say, I'm the stealer, come to steal your load. The sails were shining, and the world were up. I said, tell me, baby, what you doing tonight? Souvenir du Mavrika numéro 434. Ce jour-là, nous recevions les Mockingbirds et le morceau que nous écoutons, qui a été enregistré justement à cette occasion, hein, c'est vraiment enregistré en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, hein, sans filet, sans problème, vraiment de vrais artistes qui jouent sans aucun trucage ni quoi que ce soit. Voilà. Le morceau s'appelle The Stealer. Juste avant, on a écouté Lee avec Running in Cycle. Encore avant, c'était The Gig avec Too Young. Et encore avant, c'était Annalise from Paris avec White Sneaker. Et on avait commencé cette série musicale avec trois morceaux, tiens, en français aussi. Dorenlo avec Terrien, Lajari avec Le Paradis sur Terre et Stéphane Acoustique avec Les Grenouilles, encore un live Mavrika. Donc dans l'émission numéro 550, il nous avait interprété ce superbe morceau et c'est celui que nous avons écouté tout à l'heure. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, encore de bonnes chansons à vous diffuser. Et on peut pas dire que je vous interromps souvent, on écoute la musique jusqu'aux dernières notes. C'est parti pour la suivante. Looking for life is to show. Everywhere. artistes disent. Merci Tonton Marika. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Marika. Sur les ondes éternelles. Marika, non, Marika, l'ami. L'émission du soir le vendredi. Marika. Merci. Tu fédères une belle équipe. Albino, quel talent.

Le dernier Jekyll Wood avec Cliché. Juste avant, c'était Sika avec Enjoy, Elsia avec No Game, Pauline à la plage, L'amour à la plage, la célèbre reprise de Niagara, Melody Road avec All About the Bass, le collectif Mavrika avec la chanson Mavrika, Angeline Anonier avec Shanghai, Yavanna avec le titre Reste, et on avait commencé cette série musicale avec Jill Selig. Un featuring de Christy avec des paroles de Phil Cool et ça s'appelle Reborn. On va bientôt se quitter dans l'émission Mavrika. Il y a encore un petit peu de musique. On va écouter les Red Daff avec Captain Watson. Les mers du monde, je ne lâcherai jamais l'affaire. Je vous mettrai dans une tombe pour toutes vos pêches sanguinaires. Sur tous les océans du globe, rappelez-vous de Paul Watson. J'aime le contact, les bras de fer. Vous m'avez déclaré cette guerre. Avec mon armée et mon radeau, je pars sauver les animaux. Si je suis fait un loisir, un état en prison. Si je suis fait un loisir, les gens sont fiers, c'est la seule façon de faire pour arrêter tous ces idiots qui assassinent les cachalots. Le Canada, l'Espagne, le Japon et Cuba veulent tous me voir en prison. L'Allemagne ira jusque l'extradition. À toutes les instances et Interpol, rappelez-vous de Paul Watson. Excellent groupe Red Daff avec Paul Watson. On arrive à la fin de cette émission, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Trois heures quand même, ça passe très très très vite, surtout qu'on écoute de la très bonne musique. Hein, voilà, on a passé un bon moment ensemble, on a écouté plein de belles chansons. Vous pouvez retrouver le programme de cette émission numéro 557 sur le Facebook de l'émission Mavrika et vous pouvez toujours aller y mettre un petit j'aime hein, comme vous voulez. Et puis merci à tous les gens qui ont répondu. Justement, il y a beaucoup d'artistes qui se sont reconnus dans la liste du du programme et qui ont mis un petit pouce en l'air tout simplement, ou alors un petit commentaire, ça c'est encore mieux. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle que effectivement l'événement des Saints Populaires, donc qui avait lieu demain et après-demain, qui aurait dû avoir lieu, voilà, on va dire ça comme ça, finalement a été complètement annulé. Donc c'est officiel, hein. Donc on espérait bien vous retrouver nombreux tous autour de la bonne musique, autour d'une grande scène, et malheureusement c'est annulé. On est un peu tous déçus dans l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, et puis de toute façon la sécurité avant tout, et puis de toute façon on n'avait pas l'autorisation de le faire, donc c'est un arrêté préfectoral. Voilà, donc l'équipe de Radio Arc-en-Ciel est un petit peu déçue, mais elle se relèvera et puis elle vous proposera sûrement de décaler cette date-là, et elle travaille à ce sujet. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, hein. Ça sera comme ça pendant tout l'été, puisque je suis là au mois de juillet et d'août, et vous aurez donc droit à des émissions Mavrika sans interruption. Voilà, je prendrai quand même quelques vacances au mois de septembre, hein. C'est prévu comme ça. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, et on va se quitter avec un groupe qui est venu déjà à plusieurs reprises, hein, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Sadou et de Yacine, et justement les deux noms ensemble, ça fait Sadia. C'est le groupe Sadia qui nous interprète un morceau qu'on aime beaucoup, en plus qui a un message très positif. C'est ce qu'on vous souhaite aussi ce soir, du positif, le groupe Sadia. Je vous souhaite du positif, une très bonne soirée et à très bientôt. On se quitte en musique. Je ne me vois pas te croiser sans te sourire à toi, oui toi. Je ne me vois pas te toiser ni même te montrer du doigt. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Aucun sentiment d'hostilité à ton égard. Si je vois le contraire au fond de ton regard. Je ne veux pas prendre mon ami mais donner tout ce que j'ai. Tout ce que l'on possède dans la vie se trouve dans nos gènes. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Je ne me vois pas céder à la haine. Je ne me vois pas succomber à la peine. Je n'ai que du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. Pas d'a priori de jugement. Tes yeux me diront si tu es sincère ou me mens. Je suis transparent, peut-être un peu trop à ton goût. Mais je remercie mes parents de m'avoir aimé jusqu'au cou. Ils m'ont enseigné la valeur des salutations. J'y colle mes sentiments à chaque manifestation. Shalom, assalamu alaikum, yang isidjam. Le salut vaut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme. Shalom, assalamu alaikum, yang isidjam. Une main sur le cœur afin de l'entendre battre. Shalom, assalamu alaikum, yang isidjam. Et l'autre vers un être afin qu'ils entrent en contact. Shalom, assalamu alaikum, yang isidjam. Le salut vaut de l'or lorsque chaque homme y met de l'âme. Hey, j'ai que du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. Du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. L'énergie qui m'anime est fluide, elle sème la paix, elle s'agite et m'anime. Je ne peux la retenir. L'énergie qui m'anime est fluide, elle sème la paix, elle s'agite et m'anime. Je ne peux la retenir. Hey, je n'ai que du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif. Du positif, du positif, du positif à te donner. Je n'ai que du positif, du positif, du positif, positif, du positif, du positif à te donner, je n'ai que du positif, du positif, du positif. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Plein les oreilles. Dos médicos dá conta do ambiente na reunião desta tarde com a tutela. Depois de uma reunião que decorreu hoje mesmo no Ministério da Saúde, não houve nenhuma proposta formal por parte do Ministério da Saúde em relação à greve salarial e o Conselho Nacional do Sindicato Independente dos Médicos aprovou por unanimidade algo que nós queríamos e que tudo fizemos para evitar. Esta atitude que tomamos demonstra, depois de termos demonstrado toda a nossa vontade, paciência, não tendo convocado greves, entretanto, para que o Governo chegasse a um acordo. A desilusão do Sindicato Independente dos Médicos, que anunciou esta tarde uma greve nacional de 3 dias no final do próximo mês, mas há mais. Greve às horas extra nos cuidados de saúde primários, de 24 de julho a 22 de agosto. Greve à produção adicional nos hospitais, de 24 de julho a 22 de agosto. E também uma greve regional, mais à frente, entre 9 de agosto e 21 de setembro. O Sindicato Independente dos Médicos mantém, no entanto, disponibilidade para continuar a negociar com o Governo. A única coisa que pede é propostas concretas. Vem aí o mês de julho com o novo valor da prestação do crédito à habitação nos contratos que sejam revistos. O agravamento pode atingir os 262 euros no prazo a 12 meses, mas o valor também sobe bastante noutros prazos. Cláudia Godinho. Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros a 30 anos com a Euribor a 6 meses e 1% de spread passa a pagar a partir de julho cerca de 790 euros. São mais 110 euros do que em janeiro. Se este empréstimo estiver indexado à Euribor a 3 meses, o cliente passa a pagar mais 54 euros do que paga desde abril, no total de 763 euros por mês. Já no que diz respeito aos empréstimos com a Euribor a 12 meses, a prestação da casa aumenta cerca de 260 euros em julho. A prestação fica a 805 euros mensais. As subidas no valor das prestações, já a partir de amanhã, consequência das decisões do Banco Central Europeu para conter a inflação, com aumentos sucessivos das taxas de juro, que devem permanecer até setembro. Mais 5 mil do que ontem. O Ministério do Interior francês convocou para esta noite em todo o território 45 mil polícias e vão utilizar veículos blindados, informou durante a tarde a primeira-ministra francesa. É mais uma tentativa do governo francês de, depois de 3 noites de violência nas ruas pela morte do jovem Nael durante uma operação stop na manhã da passada terça-feira em Nanterre. Do início da tarde, o apelo do presidente francês Emmanuel Macron aos pais. Um terço dos 875 identificados são jovens. Os pais têm responsabilidade de os manter em casa. É muito importante para a segurança de todos que estas responsabilidades sejam exercidas. Os pais e as mães de família têm obrigações que não podem ser substituídas. O presidente francês responsabiliza os pais. O correspondente da Antena 1 em França, José Manuel Rosendo, dá-nos contexto para esta afirmação do presidente Macron. Emmanuel Macron veio fazer esse apelo aos pais, isto porque o perfil, digamos assim, dos detidos nestas últimas 3 noites, há um terço destes detidos que têm entre 14 e 18 anos. E, portanto, coloca de facto essa questão. São pessoas que são responsabilizadas perante a justiça de uma forma muito diferente daquela que é a responsabilidade de um adulto e, portanto, entra aqui, de facto, a responsabilidade dos pais. Nestes casos, é um perfil, por exemplo, para termos uma ideia, diferente daquelas pessoas que normalmente estão envolvidas. Por exemplo, agora, quando tivemos as manifestações contra a alteração da idade da reforma, o perfil das pessoas envolvidas nos confrontos com a polícia era completamente diferente. São muito jovens estes, percebe-se que são pessoas dos bairros onde decorrem estes conflitos e, portanto, há esse apelo para que, de facto, os pais tentem controlar estes jovens. E o ministro pede também penas severas, em particular para aqueles que atacaram polícias, e pede que estes menores envolvidos sejam impedidos de sair durante a noite. Portanto, pode ser uma medida que, eventualmente, venha a ser decidida pela Justiça, já que é à noite que a violência tem tido lugar, pelo menos tem sido assim nas últimas 3 noites. Hoje, por exemplo, o dia em todo o país esteve relativamente calmo, há apenas notícias.